quelque chose de concret, de faire quelque chose de ma life, de devenir quelqu'un, je pense. J'ai plus envie de perdre mon temps, je me laisse emporter par le vent. Rester ici pour moi c'est faire du surplace. J'ai besoin de décoller mes anciennes ailes, je me débarrasse. J'ai plus envie de perdre mon temps, je me laisse emporter par le vent. Rester ici pour moi c'est faire du surplace. J'ai besoin de décoller mes anciennes ailes, je me débarrasse. Si je fais mes bagages, c'est que j'arrive à saturation. Le papier peint est trop vieux, j'ai besoin d'une rénovation. Voir d'autres environnements pour faire de moi quelqu'un. Car avec le temps, j'ai su voir plus loin qu'une paire de requins. Donner les moyens d'avoir ce qu'on veut. Car c'est sûr que je vais pas me pencher vers Dieu pour y faire un vœu. Je suis soumis à moi-même et à mes envies. C'est moi qui pédale, donc c'est à cause de moi si je pars en vrille. Si je fais des erreurs, c'est à cause du manque d'expérience. Si j'ai levé la main sur cette reine, c'est qu'elle ne méritait pas cette alliance. Si je pars, c'est pour aussi le pied de ma musique pour lui éviter de tomber tout le temps sur la même rythmique. Je me répète souvent, c'est parce que j'ai arrêté d'apprendre. Si je pars, c'est parce que y'en a marre d'attendre. Marre de ne pas sourire au lever du soleil. Le bonheur qui se cache en moi, il est temps qu'il s'éveille. J'ai plus envie de perdre mon temps, je me laisse emporter par le vent. Rester ici pour moi c'est perdu sur place. J'ai besoin de décoller mes anciennes ailes, je me débarrasse. J'ai plus envie de perdre. Je vais m'aventurer sur un terrain dont je n'ai pas tâté la pelouse. En France pour moi, c'est croquer dans une pamplemousse. Ce bois mer, au bout de 19 années, te donne la nausée. Mes racines vivent dans la sécheresse, je me dois de les arroser. J'ai envie de fleurir mon jardin, voir diverses couleurs. De ne plus avoir à esquiver toutes ces couleurs. L'argent dans ce monde sert de liquide de refroidissement. Sans cela, tu surchauffes et tu peux éclater à tout moment. Je vis laisser derrière moi la famille et mes repères. Je parie de promets qu'à nos retrouvailles, j'aurai minimum quelques billets verts. Désolé de partir et de quitter mon groupe avec ce sèche. Je peux plus me forcer de sourire, ce serait tellement faux comme une prothèse. Elle s'aidait depuis tout jeune, c'est mes origines. Je pars rejoindre ma moitié pour qu'on examine. On va finir ce qu'on a commencé à bâtir. Une amitié que depuis 10 piges, on l'a fait qu'entretenir. J'ai plus envie de perdre mon temps, je me laisse emporter par le vent. Rester ici pour moi c'est perdu sur place. J'ai besoin de décoller mes anciennes ailes, je me débarrasse. J'ai plus envie de perdre mon temps, je me laisse emporter par le vent. Rester ici pour moi c'est perdu sur place. J'ai besoin de décoller mes anciennes ailes, je me débarrasse. Ben je pense que j'ai tout dit à travers ce morceau. Et je pense que ce choix ne peut que m'apporter en bien. Même que ça soit en mal, la finalité ce sera en bien. Parce que comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je suis jeune et des fois je vois des personnes autour de moi qui ont je sais pas quel âge et qui sont partis en couille. Non, moi je ne reflète pas cette image là. Je suis un battant et on va se donner les moyens pour devenir quelqu'un, pour devenir un être humain avant tout. Je vois pas pourquoi certaines personnes arriveraient à vivre d'une certaine passion. Pourquoi moi je n'y arriverai pas, hein? Dis-moi. Ok, donc t'inquiète pas, j'arrête pas la musique, mais rendez-vous avec LCD. Hein? LCD, c'est un groupe d'enfance. On a 10 ans d'âge. Et je pense que on l'a pas mis assez en valeur à l'heure d'aujourd'hui. Mais t'inquiète, on a tout le temps pour rattraper ce moment. On va vous montrer quelles sont les vraies valeurs. Quelles sont, on va dire, nos vraies valeurs plutôt. Donc, rendez-vous très très très bientôt. Ok? T'inquiète pas, c'est Blaze. On est là, mais ce texte, tu sais qu'il est un peu pour toi. Je sais que t'es dans le même état d'esprit que moi. Donc je te fais un gros big up. Pour finir, je voudrais dire à SHD, Saphir, que vous inquiétez pas. On est là. Et prenez soin de vous. Quand vous écouterez ce morceau, j'espère qu'il vous redonnera le moral. Et puis, de toute façon, la finalité, je ne quitte personne. Je pars, je reviendrai, c'est sûr. C'est pour ça que, voilà, je big up ma famille et tous mes vrais potes. peace.